Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Diane et je collectionne les légendes. Récemment, j'ai découvert celles de l'univers de Dipongo. Et vous savez quoi? Elles vont vraiment vous épater. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende de l'arbre triste. À l'extrémité d'une forêt luxuriante, abritant des plantes incroyables et des animaux merveilleux, se trouve un coin de terre triste et sans vie. Criblé de souches d'arbres déracinés, d'écorces arrachées et de branches cassées, cette sinistre clairière donne l'impression d'avoir été le théâtre d'une terrible bataille. Il y eut bien un combat ici, mais pas n'importe lequel. Ici, la nature dut affronter des humains sans pitié. Il y a fort longtemps, alors que les habitants de la forêt profitaient d'une vie paisible et insouciante, la terre se mit à trembler. Dans un énorme nuage de poussière, d'horribles engins déferlèrent. Loin d'être paniqué et sûr de sa force, la forêt répliqua. Les animaux surgirent de toutes parts pour protéger leur habitat. Les arbres et les rochers sortirent de leur profond sommeil pour chasser les envahisseurs. La résistance fut louable, mais vaine. Les crocs se brisèrent, les branches cassèrent et les pierres se fendirent. La forêt fut vaincue. Les humains prirent un malin plaisir à tout abattre. Lorsqu'il ne resta plus rien, ils rentrèrent chez eux victorieux. Amputée d'une partie d'elle-même, la forêt fut plongée dans un profond désarroi. Le temps passa. Les humains ne revinrent pas. Et alors que tout le monde pensait ce champ de bataille perdu à jamais, un espoir naquit. Au beau milieu de cette terre désolée, un petit bourgeon se fraya un chemin dans le terrain retourné. Il grandit, grandit, grandit et libéra un arbrisseau. Seul au milieu d'une terre désolée, le petit arbre fut terrorisé. Il appela à l'aide, mais personne ne l'entendit. Il se mit à pleurer, pleurer, pleurer, et l'écho de sa tristesse finit par toucher les habitants de la forêt. Ils vinrent le réconforter, mais rien n'y faisait. Tout ce qu'il voulait, c'était être entouré des siens. Malheureusement, personne n'arrivait à faire pousser quoi que ce soit. Avec le temps, l'arbrisseau devint un arbre triste, comme un jour de pluie. Mais une rumeur courait dans la forêt. Un jour, quelqu'un viendrait redonner à ce coin de terre sa splendeur d'antan et accrocherait un sourire sur cet arbre esselé. Cette légende, c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'offre l'univers de Dipongo. Si jamais elle t'a donné envie de visiter cette drôle de forêt et d'aider cet arbre triste, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à tes parents de télécharger sur leur téléphone ou la tablette l'application Dipongo. D-I-P-O-N-G-O. Tu pourras vivre deux aventures avec Edgar gratuitement et en découvrir des tas d'autres en t'abonnant.